Je risque une contravention si je circule à 90 km/h. Réponse A. À 100 km/h. Réponse B. À 110 km/h. Réponse C. À 130 km/h. Réponse D.